R.I.G. Oh, l'anarchie, c'est vachement toujours de l'exno. R.I.G. 90.7. Ne cherchez plus, c'est 90.7. Ne cherchez plus. C'est la saga. C'est la saga. C'est la saga. Les parents. Bonsoir à tous, je suis heureux de vous retrouver sur 90.7, c'est la radio des Beatles, c'est la radio ce soir particulièrement de Paul McCartney, puisque c'est le deuxième best-of Paul McCartney, best-of composé uniquement par moi. Je ne vous ai pas demandé votre avis, mais j'espère que ça va vous plaire parce que j'ai programmé 30 chansons de Paul et ça va être plutôt pas mal. C'est 30 chansons différentes de celles passées la semaine dernière forcément, mais ce sera très bien, je vous assure. Retrouvez-nous sur 90.7 si vous êtes dans la région bordelaise, sur Facebook dans le groupe La Saga des Fab Four si vous le souhaitez également, sur macaclub.com dans la case La Saga des Fab Four, et sur Twitter avec le hashtag Saga Fab Four, également sur Periscope, mais je vous donnerai l'adresse dès que je le saurai, puisque je ne sais jamais, c'est une application que je ne domine pas, je le reconnais, mais c'est l'adresse habituelle hein, pour ceux qui ont l'habitude. Tiens, il y a déjà quelqu'un qui vient d'arriver. Salut ami Pastor, tu nous rejoins, c'est sympa. Bref, au programme 30 chansons de Paul McCartney, il y aura Little Woman Love, Wanderlust, ça vous me l'aviez demandé, Ramon, Once Upon a Long Ago, No Other Baby, ça c'est le début, parce que ce que j'ai fait comme la semaine dernière, j'ai fait les titres par ordre d'année, entre 1970 et 2013, date du dernier album, et puis j'ai demandé au logiciel de tout mélanger, et il a tout mélangé, vous saurez au fur et à mesure les chansons qui ont été choisies. Bref, tout va bien se passer, donc je vous rappelle www.rigfm.fr pour ceux qui veulent écouter sur le net. 90.7, c'est la fréquence de la radio dans la région de Bordeaux, et on nous entend assez loin paraît-il. Et sur Facebook, c'est le groupe La Saga des Fab Four pour nous rejoindre, et tout se passera très très très bien. Déjà 10 personnes qui nous ont trouvés sur Periscope, merci les amis, c'est gentil. Et si on y allait, hein, un petit peu de générique quand même. Le premier titre programmé, c'est Little Woman Love. Vous pouvez le retrouver sur l'album Ram en 1971. We'll be right back. Wanderlust à l'instant sur RG. Très belle chanson de 1982 tirée de l'album Tug of War. Et puisque bah, c'est assez nouveau Periscope pour moi, eh bien il y a Anonymous qui m'a demandé de faire une dédicace pour en flûte. J'ai perdu le nom du studio. Bah s'il peut me le rappeler très très vite là, le temps que je parle, j'ai oublié le nom. Bref, c'est dédicace en tout cas pour cet Anonymous et c'est un studio quelque chose. Et la dédicace est mal faite, je reconnais, mais j'ai pas l'habitude de faire des dédicaces. Mais je le fais qu'une seule fois, Arcadix Studio, voilà, c'est mentionné. Et je le fais qu'une seule fois parce que cette émission n'est pas faite pour faire des dédicaces. Maintenant, voici Ramon sur RG. C'est la même année, mais c'est un autre album. L'album s'appelle Ram sur RG. Comme ça, puisque vous êtes nombreux et nombreuses à écouter la saga des Fab Four tous les mercredis entre 20h et 22h. Cette chanson-là, la prochaine, là, celle qui va passer, Once Upon a Long Ago, je la dédie à la jolie Julie qui écoute et qui aime bien, parce que je sais qu'elle adore cette chanson. C'est tout après pour les dédicaces, promis. Scales and broken cords, puppy dog tails in the House of Lords. Tell me, darling, what can it mean? Making up moons in a minor key, what are those tunes got to do with me? Tell me, darling, where have you been? Once upon a long ago, children searched for treasure. Nature's plan went hand in hand with pleasure. Such pleasure. A long ago. Once Upon Long Ago, le seul titre de 1987, eh oui, mais quel beau titre, remixé, enfin pas remixé, orchestré par George Martin, vous savez, le producteur bien célèbre des Beatles. Paix à son âme et puis un petit bonjour là-haut. Bref, puisqu'on vient de parler des Beatles, juste à l'instant, il est temps pour moi de parler de Lovely Rita. Lovely Rita, c'est celle qui est à Londres et qui organise sur Internet le Beatles Magazine. Qui vous permet de tout savoir 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, 365 jours dans l'année, même 366 jours si on est une année bissextile comme aujourd'hui. Donc tout savoir sur John, Paul, Ringo et George, sur les tournées de Paul, de Ringo, sur les gens qui gravitent autour, Eric Clapton par exemple, et sur les animateurs radio qui également font des émissions comme votre serviteur sur les Beatles. Eh bien, si vous voulez tout savoir, Beatles Magazine UK.com, sur Facebook, sur Twitter, sur Google et sur d'autres plateformes. Merci à elle et la suite de la saga, eh bien c'est maintenant et c'est sur RIG 90.7. C'est la saga. It from me if they try. I lived through those early days. So many times I had to change the pain to laughter just to keep from getting crazy. Dressed in black from head to toe, two guitars across our backs, we would walk the city road, seeking someone who would listen to the music that we were writing down at home. But they can't take it from me if they try. Praise. slick back with Vaseline, like the pictures on the wall of the local record shop. Hearing noises we were destined to remember, will the thrill to never stop. Come to you when you look for them, and your inspiration, long may it last, may it come to you time and time again. To have their own opinion, who did this and who did that? But as for me, I don't see how they can remember when they weren't where it was at. Extrait du dernier album en date de Paul McCartney en 2013. L'album s'appelle New et Early Days à l'instant sur RIG. On remonte le temps encore. En 1999, un très très beau slow, No Other Baby. Allez, on danse. Serré, serré, serré.

Curieusement, en ajoutant des virgules, on va dire que la période Beatles de Paul McCartney, ça a été de 1960, plus ou moins. Les débuts du succès, ça date de octobre 62 et puis surtout en 63, d'accord, jusqu'en 1970. La période des Wings, plus ou moins, parce que le départ, Paul McCartney était seul sous son nom, puis après c'est devenu avec les Wings, c'est de 1970 à 80. Et puis depuis 1980, il s'est dit, il paraît qu'il a cherché un nom de groupe quand il est revenu sur scène en 1989, et puis c'est devenu Paul McCartney, point. C'est tout, juste Paul McCartney, et finalement ça suffit. Donc pendant ces deux périodes de 10 ans, 1960-1970-1970-1980, en 1970, quand il a terminé avec les Beatles, il a sorti un album qui s'appelait McCartney. Allez, comme ça, on met tout à plat, c'est McCartney. Lorsqu'il en a décidé d'en terminer avec les Wings, il a sorti un album qui s'appelle McCartney 2. Ben oui. Alors on attendait le McCartney 3, qui n'est jamais venu. En 1990, ça aurait pu être sympa. Voici en tout cas un extrait de l'album McCartney 2, et c'est une très belle chanson. L'enregistrement a été fait chez lui, à la maison, tranquille. Et le titre du morceau, c'est One of These Days, sur RIG. One of these days, when my feet are on the ground, I'm gonna look around and see. What's right, see what's there, and breathe fresh air ever after. One of these days, when a job just takes too long, I'm gonna sing my song and see what's right, see what's there, and breathe fresh air. Fantastique chez McCartney, c'est son aptitude à se renouveler sans cesse. 21 ans plus tard, voici About You sur l'album Driving Rain, et c'est sur RG. When in the morning, I'm me to fly through the air. Vous êtes bien sur RIG 90.7 pour la région bordelaise et pour le reste du monde, de la France, de la Belgique, de la Suisse, de l'Allemagne, de l'Espagne, de l'Angleterre aussi, avec Lovely Rita, des États-Unis peut-être, puisque sur la côte est, il est 14h. Hello, dear friends. Eh bien, c'est www.rigfm.fr. Et ce soir, puisque c'est l'une des dernières émissions de la saison de la saga des Fab Four, eh bien, c'est un spécial Paul McCartney, c'est le deuxième. C'est mon best-of, plus ou moins, de Paul McCartney. Il est vrai que là, au bout de deux émissions, donc de 60 chansons, je suis pas encore satisfait. Faudrait que j'en fasse peut-être un troisième, sans doute un quatrième. Mais on a déjà une partie de ce que j'aime de Paul McCartney et je vous le propose ce soir. Une des chansons que j'adore, c'est sur un album que McCartney n'ose pas reprendre sur scène et c'est bien dommage. L'album s'appelle Back to the Egg et le titre du morceau que je vous propose ce soir, c'est Old Siam, Sir. Montez le son à fond, à fond, à fond. Lost the way, and I never tried to find the man. En 2005, un producteur ose dire à Paul McCartney, tu vas enregistrer un album, mais moi je veux le vrai Paul McCartney. Tu vas laisser tomber ton groupe et tu vas enregistrer tout seul, comme tu as su le faire. Et puis si la chanson ne plaît pas, je te le dirai. Et il lui a dit. Et Paul McCartney a été un petit peu bousculé, on va dire. Mais quel bel album. Un petit peu, pas suffisamment rock peut-être, à mon avis. Mais de très belles chansons. Comme celle-ci, par exemple, Jenny Rain. Une chanson qui aurait pu sortir du temps des Beatles, c'est certain. La voici sur RG. C'est extrait de l'album Chaos and Creation in the Backyard. Jenny Wren could sing, but a broken heart took a song away. Like the other girls, Jenny Wren took wing. She could see the world, and its foolish way. Sight of life, day by day.

special menu for your delight. Oh my, tonight you fly so high up in the vanilla sky, sky, in the vanilla, in the vanilla, in the vanilla sky, in the vanilla, in the vanilla, in the vanilla sky. In the vanilla sky. C'est à la demande polie de Cameron Crowe, ancien journaliste de Rolling Stones, devenu réalisateur, que McCartney compose Dingé, l'une des plus belles ballades acoustiques de la décennie, pour la BO du film Vanilla Sky. Elle délivre instantanément son charme feutré et intimiste, qui lui vaudra d'être nommée aux Oscars dans la catégorie meilleure chanson originale. Une version live figure sur l'album Back in the US. Vous savez tout. Maintenant la suite, eh bien nous sommes en 2008. En 2008 avec cet album bizarre. L'album s'appelle Electric Argument et c'est The Fireman. Mais tout le monde sait que The Fireman, c'est Paul McCartney. Voici Highway sur RIG. Paul McCartney here, and you're listening to Widescreen Radio. Lorsqu'en 1968, Paul McCartney compose Lady Madonna, on avait dit à Ringo, mais tu trouves pas que ça ressemble à du Elvis, si Elvis pourrait le chanter? Et Ringo avait répondu, mais c'est du Elvis, c'est tout à fait ce qu'il pourrait chanter. C'est pas les mots, hein, mais c'est le type de conversation que je vous cite. Eh bien, en 1978, sur l'album London Town, il remet ça à Paul McCartney. Il fait du rock façon années 50. Oui, comme Elvis aurait pu le faire. Voici le titre, Name and Address, sur RIG. Vraiment au maximum. Je laisse courir le logiciel, je n'arrête quasiment pas de la musique pour essayer d'en entendre le maximum. Nous revenons en 1973 sur l'album Ben on the Run et ce titre, No Words. Vous êtes sur RIG 90.7, c'est la radio des Beatles et ce soir, c'est mon best-of Paul McCartney, volume 2. You wanna give your love away and end up giving nothing. Surprised that your black eyes are gazing. You say that love is everything, and what we need the most of. I wish you knew 1983 sur l'album Pipes of Peace. Tout le monde a connu cette chanson. Say what you want, but don't play games with my emotions, etc. Mais beaucoup sont passés à côté. Un autre titre, c'est The Man. Et je vous le propose ce soir dans la saga des Fab Four. Michael Jackson et Paul McCartney sur RG. There's a man who plays the game of life so well. Ooh, there's such a man. His thoughts you can never tell. It's just the way he thought it would be. Cause the day has come for him to be free. Then he laughs, he kicks, then rolls up his sleeves. I'm alive and I'm here forever. This is the man. And it's just the way he thought it would be. Cause the day has come for him to be free. Then he laughs and kicks and rolls up his sleeves. A man, everybody thought they knew. Ooh, that's such a man. He's not like me and you. Ooh, and it's just the way she thought it would be. As he says, something has happened to me. And he laughs, he kicks and rolls up his feet. I'm alive and I'm here forever. This is the man. Propose sur RIG 90.7 de continuer à explorer les facettes de Paul McCartney avec ce titre, Maybe Baby Rock and Roll sur RIG. Yeah. changeons complètement de style. Everybody Dance Tonight. Il a composé cette chanson et sa fille, sa petite fille, adorait. On adore nous aussi. Pas besoin d'être tout petit. Everybody gonna dance tonight. Everybody gonna feel alright. Everybody gonna dance around tonight. Everybody gonna dance around. Everybody gonna hit the ground. Everybody gonna dance around tonight. Well, you can come on to my place if you want to. You can do anything you wanna do. Everybody gonna dance tonight. Everybody gonna feel alright. Everybody gonna dance around tonight. Well, you can come over to my place if you want to. Everybody's gonna dance tonight. Everybody's gonna feel alright. Everybody's gonna dance around tonight. Yeah, everybody's gonna jump and shout. Everybody's gonna sing it out. Everybody's gonna dance around tonight. Well, you can come on to my place if you want to. You can do anything want to do. Everybody's gonna dance tonight. Everybody's gonna feel alright. Everybody's gonna dance around tonight. Everybody's gonna dance around tonight. Everybody's gonna feel alright tonight. Il reste un peu plus d'une demi-heure d'émission et je voulais absolument vous proposer une de mes chansons préférées des années 80 de Paul McCartney. Une chanson qui me rappelle vraiment l'époque Beatles, parce que je pense que le style est là, ça rappelle sans être des Beatles. Le titre, c'est sur l'album Press to Play. Le titre du morceau, c'est However Absurd. J'adore cette chanson. Do not mock me. Paul McCartney. Fab Four s'est écouté jusqu'aux États-Unis. La preuve, mon ami Michael Honorato a quelque chose à nous dire. Michael? Ah, Michael. Don't be shy. Hello, this is Michael Honorato from Beatles Tonight, and I'm listening to La Saga de Fab Four with Terry Gale. from New Jersey here in the USA. Keep rocking, Terry. I will. Thank you, Michael. Voici To You, extrait de l'album Back to the Egg, un album que j'adore, que vous ne le sauriez pas. Vous êtes bien sur RG 90.7, c'est la saga des Fab Four. McCartney, please, we'd like to hear So Glad to See You Here Live, please do it. Et Paul McCartney, c'est aussi un passé de Beatles. En 1984, sur l'album Give My Regards to Broad Street, il nous a repris quelques fois des chansons des Beatles à sa sauce, comme celle-ci par exemple, Here, There and Everywhere, très jolie dans la version de 1984. To lead a better life, I need a love of my own. Changing my life with a wave of her hand. Nobody can deny that there's something there. I wander everywhere, and if she's beside me, I know I need never care. But to love her is to need her.

pas rester là, hein, puisqu'on est en train de faire des la la la et tout ça, ben on va chanter la prochaine chanson parce que vous la connaissez tous et toutes. C'est Mull of Kintyre sur RIG dans le best of de McCartney. Mull of Kintyre, on is strolling in from the sea. My desire is always to be on Mull of Kintyre. Far have I traveled and much have I seen, dark distant mountains with valleys of green, past painted deserts, the sun sets on fire as he carries me home to the Mull of Kintyre. Continuer dans la guitare acoustique avec ce titre de 1993 sur l'album Off the Ground. Le titre c'est Hope of Deliverance sur RIG. I will always be hoping, hoping. You will always be holding.

Dernier l'a dit, bonne nuit, à la prochaine. Écoutez quand même Eric dans quelques instants dans son excellente émission Johnny de A à Z. Salut les garçons, salut les filles, à la prochaine justement, à la prochaine pour dire comme Paul McCartney, pour de nouvelles aventures. Ce sera la 300e la semaine prochaine, alors on va peut-être faire quelque chose, on va voir ça. Oui, bien sûr. À bientôt, salut. Merci.